Guy de Maupassant, Miss Ariette. Nous étions sept dans le break, quatre femmes et trois hommes, dont un sur le siège à côté du cocher, et nous montions au pas des chevaux la grande côte où serpentait la route. Partis d'Étretat dès l'aurore pour aller visiter les ruines de Tancarville, nous somnolions encore, engourdis dans l'air frais du matin. Les femmes, surtout peu accoutumées à ces réveils de chasseurs, laissaient à tout moment retomber leurs paupières, penchaient la tête ou bien bâillaient, insensibles à l'émotion du jour levant. C'était l'automne. Des deux côtés du chemin, les champs dénudés s'étendaient, jaunis par le pied court des avoines et des blés fauchés qui couvraient le sol comme une barbe mal rasée. La terre embrumée semblait fumer. Des alouettes chantaient en l'air. D'autres oiseaux pépiaient dans les buissons. Le soleil enfin se leva devant nous, tout rouge au bord de l'horizon. Et à mesure qu'il montait, plus clair de minute en minute, la campagne paraissait s'éveiller, sourire, se secouer et ôter comme une fille qui sort du lit sa chemise de vapeur blanche. Le comte d'Étrailles, assis sur le siège, cria « Tenez, un lièvre !» et il étendait le bras vers la gauche, indiquant une pièce de trèfle. L'animal filait, presque caché par ce champ, montrant seulement ses grandes oreilles. Puis il détala à travers un labouré, s'arrêta, repartit d'une course folle, changea de direction, s'arrêta de nouveau, inquiet, épiant tout danger, indécis sur la route à prendre, puis il se remit à courir avec de grands sauts de l'arrière-train, et il disparut dans un large carré de betteraves. Tous les hommes s'éveillèrent, suivant la marche de la bête. René le Manoir prononça « Nous ne sommes pas galants ce matin !» et regardant sa voisine, la petite baronne de Sérène, qui luttait contre le sommeil, il lui dit à demi-voix « Vous pensez à votre mari, baronne ? Rassurez-vous, il ne revient que samedi, vous avez encore 4 jours !» Elle répondit avec un sourire endormi « Que vous êtes bête !» Puis, secouant sa torpeur, elle ajouta « Voyons, dites-nous quelque chose pour nous faire rire, vous, monsieur Chenal, qui passez pour avoir eu plus de bonne fortune que le duc de Richelieu, racontez une histoire d'amour qui vous soit arrivée, ce que vous voudrez. » Léon Chenal, un vieux peintre qui avait été très beau, très fort, très fier de son physique, et très aimé, prit dans sa main sa longue barbe blanche et sourit. Puis, après quelques moments de réflexion, il devint grave tout d'un coup. « Ce ne sera pas gai, mesdames. Je vais vous raconter le plus lamentable amour de ma vie. Je souhaite à mes amis de n'en point inspirer de semblables. » J'avais alors 25 ans et je faisais le rapin le long des côtes normandes. J'appelle faire le rapin ce vagabondage sac au dos, d'auberge en auberge, sous prétexte d'études et de paysages sur nature. Je ne sais rien de meilleur que cette vie errante au hasard. On est libre, sans entrave d'aucune sorte, sans souci, sans préoccupation, sans penser même au lendemain. On va par le chemin qui vous plaît, sans autre guide que sa fantaisie, sans autre conseiller que le plaisir des yeux. On s'arrête parce qu'un ruisseau vous a séduit, parce qu'on sentait bon les pommes de terre frites devant la porte d'un hôtelier. Parfois, c'est un parfum de clématite qui a décidé votre choix, ou l'œillade naïve d'une fille d'auberge. N'ayez point de mépris pour ces rustiques tendresses. Elles ont une âme et des sens aussi, ces filles, et des joues fermes et des lèvres fraîches, et leurs baisers violents et fort savoureux comme un fruit sauvage. L'amour a toujours du prix, d'où qu'il vienne. Un cœur qui bat quand vous paraissez, un œil qui pleure quand vous partez, sont des choses si rares, si douces, si précieuses qu'il ne les faut jamais mépriser. J'ai connu les rendez-vous dans les fossés pleins de primes verts, derrière les tables où dorment des vaches, et sur la paille des greniers encore tièdes de la chaleur du jour. J'ai des souvenirs de grosses toiles grises sur des chairs élastiques et rudes, et des regrets de naïves et franches caresses, plus délicates en leur brutalité sincère que les subtils plaisirs obtenus de femmes charmantes et distinguées. Mais ce qu'on aime surtout dans ces courses à l'aventure, c'est la campagne, les bois, les levées de soleil, les crépuscules, les clairs de lune. Ce sont, pour les peintres, des voyages de noces avec la terre. On est seul tout près d'elle dans ce long rendez-vous tranquille. On se couche dans une prairie, au milieu des marguerites et des coquelicots, et les yeux ouverts sous une claire tombée de soleil, on regarde au loin le petit village avec son clocher pointu qui sonne midi. On s'assied au bord d'une source qui sort au pied d'un chêne, au milieu d'une chevelure d'herbe frêle, haute, luisante de vie. On s'agenouille, on se penche, on boit cette eau froide et transparente qui vous mouille la moustache et le nez. On la boit avec un plaisir physique, comme si on baisait la source, lèvre à lèvre. Parfois, quand on rencontre un trou le long de ces minces cours d'eau, on s'y plonge tout nu et on sent sur sa peau, de la tête aux pieds, comme une caresse glacée et délicieuse, le frémissement du courant vif et léger. On est gai sur la colline, mélancolique au bord des étangs, exalté lorsque le soleil se noie dans un océan de nuages sanglants et qu'il jette aux rivières des reflets rouges. Et le soir, sous la lune qui passe au fond du ciel, on songe à mille choses singulières qui ne vous viendraient point à l'esprit sous la brûlante clarté du jour. Donc, en errant ainsi par ce pays même où nous sommes cette année, j'arrivais un soir au petit village de Bénouville, sur la falaise entre Yport et Étretat. Je venais de Fécamp, suivant la côte, la haute côte droite comme une muraille, avec ses saillies de rochers crayeux tombant à pic dans la mer. J'avais marché depuis le matin sur ce gazon ras, fin et souple comme un tapis, qui pousse au bord de l'abîme, sous le vent salé du large. Et chantant à plein gosier, allant à grands pas, regardant tantôt la fuite lente et arrondie d'une mouette, promenant sur le ciel bleu la courbe blanche de ses ailes, tantôt sur la mer verte, la voile brune d'une barque de pêche, j'avais passé un jour heureux d'insouciance et de liberté. On m'indiqua une petite ferme où on logeait des voyageurs, sorte d'auberge tenue par une paysanne, au milieu d'une cour normande, entourée d'un double rang de hêtres. Quittant la falaise, je gagnais donc le hameau enfermé dans ses grands arbres et je me présentais chez la mère Le Cacheur. C'était une vieille campagnarde, ridée, sévère, qui semblait toujours recevoir les pratiques à contre-cœur, avec une sorte de méfiance. Nous étions en mai. Les pommiers épanouis couvraient la cour d'un toit de fleurs parfumées, semaient incessamment une pluie tournoyante de folioles roses qui tombaient sans fin sur les gens et sur l'herbe. Je demandais « Eh bien, Madame Le Cacheur, avez-vous une chambre pour moi ?» Étonnée de voir que je savais son nom, elle répondit « C'est selon, tout est loué, on pourrait voir tout de même. » En 5 minutes, nous fûmes d'accord, et je déposai mon sac sur le sol de terre d'une pièce rustique, meublée d'un lit, de 2 chaises, d'une table et d'une cuvette. Elle donnait dans la cuisine, grande, enfumée, où les pensionnaires prenaient leur repas avec les gens de la ferme et la patronne qui était veuve. Je me lavai les mains, puis je ressortis. La vieille faisait fricasser un poulet pour le dîner dans sa large cheminée où pendait la crémaillère noire de fumée. « Vous avez donc des voyageurs en ce moment ?» lui dis-je. Elle répondit de son air mécontent. « J'en suis une dame, une anglaise d'âge. Elle occupe l'autre chambre. » J'obtins, moyennant une augmentation de 5 sols par jour, le droit de manger seul dans la cour quand il ferait beau. On mit donc mon couvert devant la porte et je commençai à dépecer à coups de dents les membres maigres de la poule normande en buvant du cidre clair et en mâchant du gros pain blanc vieux de 4 jours, mais excellent. Tout à coup, la barrière de bois qui donnait sur le chemin s'ouvrit et une étrange personne se dirigea vers la maison. Elle était très maigre, très grande, tellement serrée dans un châle écossais à carreaux rouges qu'on l'eût cru privée de bras si on avait vu une longue main paraître à la hauteur des hanches tenant une ombrelle blanche de touriste. Sa figure de momie, encadrée de boudins de cheveux gris roulés qui sautillaient à chacun de ses pas, me fit penser, je ne sais pourquoi, à un hareng sort qui aurait porté des papillotes. Elle passa devant moi vivement, baissant les yeux, et s'enfonça dans la chaumière. Cette singulière apparition m'égaya. C'était ma voisine, assurément, l'anglaise d'âge dont avait parlé notre hôtesse. Je ne la revis pas ce jour-là. Le lendemain, comme je m'étais installée pour peindre au fond de ce vallon charmant que vous connaissez et qui descend jusqu'à Étretat, j'aperçus, en levant les yeux tout à coup, quelque chose de singulier dressé sur la crête du coteau. On eût dit un mât pavoisé. C'était elle. En me voyant, elle disparut. Je rentrai à midi pour déjeuner et je pris place à la table commune afin de faire connaissance avec cette vieille originale. Mais elle ne répondit pas à mes politesses, insensible même à mes petits soins. Je lui versais de l'eau avec obstination, je lui passais les plats avec empressement. Un léger mouvement de tête presque imperceptible et un mot anglais murmuré si bas que je ne l'entendis point étaient ses seuls remerciements. Je cessai de m'occuper d'elle, bien qu'elle inquiétât ma pensée. Au bout de 3 jours, j'en savais sur elle aussi long que Madame Le Cacheur elle-même. Elle s'appelait Miss Harriet. Cherchant un village perdu pour y passer l'été, elle s'était arrêtée à Bénouville 6 semaines auparavant et ne semblait point disposée à s'en aller. Elle ne parlait jamais à table, mangeait vite tout en lisant un petit livre de propagande protestante. Elle en distribuait à tout le monde de ses livres. Le curé lui-même en avait reçu 4 apportés par un gamin, moyennant 2 sous de commission. Elle disait quelquefois à notre hôtesse, tout à coup, sans que rien préparât cette déclaration, « Je aimais le Seigneur plus que tout. Je l'admirais dans toute son création. Je le adorais dans toute son nature. Je le portais toujours dans mon cœur. » Et elle remettait aussitôt à la paysanne interdite une de ses brochures destinées à convertir l'univers. Dans le village, on ne l'aimait point. L'instituteur ayant déclaré « C'est une athée, une sorte de réprobation pesait sur elle. » Le curé, consulté par Madame Le Cacheur, répondit « C'est une hérétique, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et je la crois une personne d'une moralité parfaite. » Ces mots « athée, hérétique », dont on ignorait le sens précis, jetaient des doutes dans les esprits. On prétendait en outre que l'anglaise était riche, et qu'elle avait passé sa vie à voyager dans tous les pays du monde parce que sa famille l'avait chassée. Pourquoi sa famille l'avait-elle chassée? À cause de son impiété, naturellement. C'était en vérité une de ces exaltées à principe, une de ces puritaines opiniâtres, comme l'Angleterre en produit tant, une de ces vieilles et bonnes filles insupportables qui hantent toutes les tables d'hôtes de l'Europe, gâtent l'Italie, empoisonnent la Suisse, rendent inhabitables les villes charmantes de la Méditerranée, apportent partout leurs manies bizarres, leurs mœurs de vestales pétrifiées, leurs toilettes indescriptibles, et une certaine odeur de caoutchouc qui ferait croire qu'on les glisse la nuit dans un étui. Quand j'en apercevais une dans un hôtel, je me sauvais comme les oiseaux qui voient un mannequin dans un champ. Celle-là, cependant, me paraissait tellement singulière qu'elle ne me déplaisait point. Madame Le Cacheur, hostile par instinct à tout ce qui n'était pas paysan, sentait en son esprit borné une sorte de haine pour les allures extatiques de la vieille fille. Elle avait trouvé un terme pour la qualifier, un terme méprisant assurément, venu je ne sais comment sur ses lèvres, appelé par je ne sais quel confus et mystérieux travail d'esprit. Elle disait « c'est une démoniaque ». Et ce mot collé sur cet être austère et sentimental me semblait d'un irrésistible comique. Je ne l'appelais plus moi-même que la démoniaque, éprouvant un plaisir drôle à prononcer tout haut ces syllabes en l'apercevant. Je demandais à la mère le cacheur « Eh bien, qu'est-ce que fait notre démoniaque aujourd'hui ?» Et la paysanne répondait d'un air scandalisé « Croiriez-vous, monsieur, qu'elle aille ramasser un crapaud dont on avait pilé la pâte, et qu'elle l'a porté dans sa chambre, et qu'elle l'a mis dans sa cuvette, et qu'elle y met un pansage comme à un homme, si c'est pas une profanation ?» Une autre fois, en se promenant au pied de la falaise, elle avait acheté un gros poisson qu'on venait de pêcher, rien que pour le rejeter à la mer. Et le matelot, bien que payé largement, l'avait injurié à profusion, plus exaspéré que si elle lui eût pris son argent dans sa poche. Après un mois, il ne pouvait encore parler de cela sans se mettre en fureur et sans crier des outrages. Oh oui, c'était bien une démoniaque, Miss Harriet. La mère le cacheur avait eu une inspiration de génie en la baptisant ainsi. Le garçon d'écurie qu'on appelait Sapeur, parce qu'il avait servi en Afrique dans son jeune temps, nourrissait d'autres opinions. Il disait d'un air malin « Ça, c'est une ancienne qui a fait son temps. » Si la pauvre fille avait su. La petite bonne Céleste ne la servait pas volontiers sans que j'eusse pu comprendre pourquoi. Peut-être uniquement parce qu'elle était étrangère, d'une autre race, d'une autre langue et d'une autre religion. C'était une démoniaque, enfin. Elle passait son temps à errer par la campagne, cherchant et adorant Dieu dans la nature. Je la trouvais un soir à genoux dans un buisson. Ayant distingué quelque chose de rouge à travers les feuilles, j'écartai les branches, et Miss Harriet se dressa, confuse d'avoir été vue ainsi, fixant sur moi des yeux effarés, comme ceux des chats huants surpris en plein jour. Parfois, quand je travaillais dans les rochers, je l'apercevais tout à coup sur le bord de la falaise, pareil à un signal de sémaphore. Elle regardait passionnément la vaste mer dorée de lumière et le grand ciel empourpré de feu. Parfois, je la distinguais au fond d'un vallon, marchant vite de son pas élastique d'anglaise. Et j'allais vers elle, attirée je ne sais par quoi, uniquement pour voir son visage d'illuminé, son visage sec, indicible, content d'une joie intérieure et profonde. Souvent aussi, je la rencontrais au coin d'une ferme, assise sur l'herbe, sous l'ombre d'un pommier, avec son petit livre biblique ouvert sur les genoux et le regard flottant au loin. Car je ne m'en allais plus, attachée dans ce pays calme par milliers d'amour pour ses larges et doux paysages. J'étais bien dans cette ferme ignorée, loin de tout, près de la terre, de la bonne, saine, belle et verte terre que nous engraisserons nous-mêmes de notre corps un jour. Et peut-être faut-il l'avouer, un rien de curiosité aussi me retenait chez la mère le cacheur. J'aurais voulu connaître un peu cette étrange Miss Harriet et savoir ce qui se passe dans les âmes solitaires de ces vieilles Anglaises errantes. Nous fîmes connaissance assez singulièrement. Je venais d'achever une étude qui me paraissait crâne, et qui l'était. Elle fut vendue 10 000 francs 15 ans plus tard. C'était plus simple d'ailleurs que 2 et 2 font 4, et en dehors des règles académiques. Tout le côté droit de ma toile représentait une roche, une énorme roche à verrues, couverte de varechs bruns, jaunes et rouges, sur qui le soleil coulait comme de l'huile. La lumière, sans qu'on vît l'astre caché derrière moi, tombait sur la pierre et l'adorait de feu. C'était ça, un premier plan étourdissant de clarté, enflammé, superbe.